canadien, on va parler des Alouettes de Montréal. Et on sait qu'il y a un gars natif de la région d'Alma, évidemment de notre région, qui est maintenant rendu instructeur des receveurs de passe. Il a eu son titre officiellement il y a deux semaines quand Jim Popp est arrivé en fonction. C'est André Bolduc, tout le monde le connaît ici dans la région. Question de savoir un peu comment qu'il trouve son nouveau défi avec les Alouettes. On lui parle. Salut André! Ça va bien, ça va bien, André. Comment tu trouves ton nouveau défi jusqu'à maintenant? Ben, ça n'a pas changé nécessairement, je te dirais, là, depuis que le titre a changé. Je m'occupais déjà pas mal des receveurs avec Anthony à ce niveau-là. Puis, on avait une routine qui était implantée. Ce que Jim a voulu faire, par contre, c'est vraiment faire travailler Anthony avec les carrières, ce qui va sûrement aider l'équipe, là. Donc là, je me suis retrouvé seul avec les receveurs. C'est une position que je connais bien, évidemment. Donc au quotidien, ça n'a pas changé tant que ça, à part le fait que j'ai plus de réunions là, seul avec eux, puis je peux vraiment mettre ça à ma main là, depuis quelques semaines. Je leur ai demandé d'être plus physique et tout ça. J'ai commencé à bouger des gars. Donc depuis la pause, on a pris une semaine de congé la semaine passée. J'ai proposé des trucs ici, puis on va changer les gars de place pour maximiser un peu leur rapport, si tu veux. André, une journée dans la journée d'André Bolduc, ça commence à quelle heure puis ça finit à quelle heure? Alors, je sais que t'es une petite famille aussi au travers de ça, mais instructeur des receveurs de passe, c'est-tu aussi autant de travail que coordonnateur à l'attaque ou head coach, exemple? Ben, c'est la même chose. Moi, tu comprendras, ma famille est à Sherbrooke, donc j'ai la chance de pouvoir me concentrer là, sur mon travail quand je suis à Montréal. Donc, la famille, les enfants sont à l'école là-bas et tout ça. Donc, moi, je suis ici. J'habite chez un de mes bons chums, Bruno Hitler, que tu connais sûrement. Donc, je joue sous sol à Bruno les jours que je suis ici. On rentre ici là très tôt le matin. On rentre à 6h au Stade Olympique, donc où les bureaux sont situés et tout ça. Et on prépare les réunions parce que les joueurs, eux, entrent à 9h. Fait qu'on est avec les joueurs environ de 9 à 2. Ensuite, eux quittent. Et puis là, nous, on revise les films. Évidemment, on prépare la pratique du lendemain. On prépare les scripts et on prépare aussi les stratégies des prochaines semaines. Donc, on sort d'ici à peu près entre 8 et 9 le soir. Fait que ça fait des bonnes journées. C'est beaucoup de camaraderie aussi là, parce qu'on est une gang de coachs ensemble. On passe beaucoup de temps avec les joueurs. C'est bien le fun, c'est une gang de gars ensemble. On mange ensemble. Écoute, il y a beaucoup de trucs qu'on partage, donc très intense. C'est des bonnes journées. Puis les matchs arrivent vite. On a vraiment pas le temps là, de se demander quand est-ce qu'on joue. Là, les semaines passent. Le lendemain d'un match, j'imagine qu'on décortique aussi. Je dirais que t'sais, les joueurs vont manger, ils vont sortir avec leur famille et tout ça, mais comme entraîneur, tu as ton ordinateur et puis les gars de vidéo mettent le match tout de suite sur ton ordi. Donc, tu peux visionner tes trucs parce que moi, faire l'évaluation, par exemple, de 4-5 receveurs qui jouent lors d'un match, 65 à 80 jeux, ça me prend environ 4 heures. Donc, si je commence pas la veille, c'est impossible que je puisse finir pour le lendemain. Je prépare mon évaluation, j'évalue chaque jeu, je donne des notes aux gars, ça, ils aiment ça savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ça fait partie du développement aussi pour s'améliorer. Non, les soirs de match sont occupés aussi. Je te dirais, nous, le seul petit moment off-break qu'on a, là, c'est la veille des matchs. Parce que tout est fait, la veille des matchs, nous, on termine à midi. Moi, c'est un peu là que je retourne à Sherbrooke, que je vais souper à la maison, et puis passer un peu de temps avec la famille jusqu'au match. Et puis, quand tu as des receveurs de passe, tu as S.J. Green, exemple, tu as Fred Stamps, tu as Nick Lewis, qui sont des vétérans dans les Canadiens de football. Est-ce que tu peux même ajouter Éric Deslauriers, qui est quand même un receveur, un vétéran, mais il est un réserviste, là. Est-ce que ça demande moins de temps, moins de préparation que, exemple, Alex Charrette qui commence? Je te dirais que non, parce qu'ils sont aussi exigeants. Les gars sont très, très, très exigeants. Ils veulent devenir meilleurs. Ils sont pas assis sur leur laurier, si tu veux. Fred Stamps, c'est un là, qui avait de la difficulté. On l'avait mis du côté court receveur. Et puis, on a travaillé fort pour essayer d'améliorer ça. Puis là, je vais finalement le remettre du côté large. Donc, je vais le remettre à l'intérieur du côté où il était à Edmonton, où il a eu beaucoup de succès pendant une dizaine d'années. Ça fait quelques semaines que je demande à l'organisation pour pouvoir le faire. Là, j'ai eu le feu vert pour le faire. Donc, lui, encore une fois, ça va être de réapprendre toutes les formations et tout ça. Il va avoir beaucoup de temps à mettre là-dedans. Donc, je vais l'aider. Donc, le travail est à refaire encore une fois. J'ai Sam Jiguère aussi, là, à qui on va demander beaucoup, beaucoup de trucs. On va l'impliquer davantage dans la deuxième portion du calendrier. Fait que c'est des gars qui sont affamés. Écoute, je suis très choyé, là, l'unité que j'ai. C'est vraiment le fun de venir travailler avec ces gars-là. Puis jamais ils vont se questionner sur les drills que je fais faire parce que je suis très, très technique. Donc, je refais des drills peut-être qu'ils n'ont pas fait des fois depuis l'université. Je les fais faire, on recommence à la base. Et puis, gars... Parle-moi maintenant, est-ce que tu as des réunions aussi avec Bruce Anthony Calvio, qui est coordonnateur, avec Tuck Schoner et Jim Pop? Est-ce que les réunions, les préparations de match, j'imagine que ça demande ça aussi? Ben, je dirais, là, aujourd'hui, on est à 6-7 jours au prochain match, là, et puis on sort d'une réunion. Okay. Donc, on vient de se réunir là, pendant à peu près 3 heures, moi, Anthony et Ryan Dinwiddie. Ce qu'on a fait, on a sorti les jeux au sol, on a sorti les passes qu'on aimerait faire contre Winnipeg. Donc pendant 3 heures, on a décortiqué tout ça, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ensuite de ça, on part chacun de notre côté, puis on a un travail à faire. Donc là, on se donne à peu près le reste d'une journée pour faire le travail qu'on a à faire. Et le lendemain matin, on va se réunir pour mettre ça en place. Donc Ryan va amener la course, va amener la passe, les formations. Et puis on va décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui va entrer dans le game plan contre Winnipeg, par exemple, qui est notre prochain match. Donc le travail, c'est infini, parce qu'on peut avoir une idée de génie aussi pendant la soirée, et le lendemain matin, on propose ça aux gars, puis les gars sont d'accord. Et c'est toujours basé sur le personnel qu'on a. Hein. Il y a plein de choses qu'on voit à télé, au foot, qui ont l'air vraiment le fun, mais si t'as pas le monde pour faire ça, tu peux pas le faire. Nous, avec Kedo, on a quand même un carrière qui est mobile, un bon bras, super précis, une bonne puissance, donc on peut faire beaucoup de choses, même du côté large du terrain. Vous avez un diamant entre les mains. Il reste rien qu'à le polir, puis c'est, il reste juste ça à polir. Mais ça va être quelle carrière vraiment là, pour l'avenir des Alouettes. Hey, dis-moi, on dit souvent que les Canadiens français, les Québécois, ont de la misère peut-être à avoir le respect des Américains au football et ainsi de suite. Est-ce que tu sens ça de la part des. Parce que tu as plusieurs Américains, tu as S.G. Green, tu as Nick Lewis également. Donc, est-ce que tu sens ça? Non? Non, moi j'ai le respect vient de plusieurs trucs. Hein. D'abord, faut que tu saches de quoi tu parles. Moi j'ai eu la chance de jouer. Sûr. Donc lorsque tu as joué comme entraîneur, ils respectent beaucoup ça. Et j'ai joué ici. Et j'ai joué pendant 4 ans avec Anthony. Donc les joueurs, c'est certain qu'ils respectent ça. Et puis même mes coachs, les coachs autour de moi sont américains aussi. Donc c'est un milieu américain. Puis tu gagnes leur confiance graduellement. Je l'ai fait l'année passée. Continue à le faire cette année. Et l'important, là, c'est d'être respecté dans ce que tu fais. Puis j'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. OK. En terminant, André, tu te vois où dans 3 ou 4 ans? Parce que là, c'est sûr que là, tu es en train de monter graduellement les échelles. Moi, je pense que ça va jouer. Le prochain instructeur, ça devrait être Noël Thorpe, normalement. Mais tu te vois où là-dedans, tout ça, là? Ben, je te dirais que je fais l'évaluation de ça chaque année avec ma famille. Donc, on réévalue à chaque fin de saison comment ça s'est passé à la maison et tout ça. Là, ça va bien. On vient d'avoir quelques jours de congé, donc j'ai passé du temps là-bas. Mais ça dépend vraiment. Écoute, les 4 enfants grandissent. C'est certain qu'ils ont encore besoin de beaucoup d'attention. Puis, ça fait des bonnes automnes pour ma blonde aussi. Là, l'été, c'est moins pire être en vacances. Mais l'automne, avec la routine, mes deux garçons jouent au foot aussi. Donc, on réévalue ça. Écoute, à date, là, ça se passe super bien. Puis, moi, j'aimerais ça, si je continue ici, coach à Montréal, c'est ça. Okay. Ben, André Bauduc, un gros, gros merci. Ça se fait fort agréable de nous expliquer ça. Tu nous fais un retour dans la région un petit peu cet été? Pas eu le temps? Non. Pas... on travaille. Ça commence au mois de juin, nous. Donc, ça, c'est plate un peu. On perd des beaux moments d'été. Mais je regarde les photos de mon frère qui en profite. Ben André, on s'en reparle peut-être d'ici la fin de l'année. André Bauduc, l'instructeur des receveurs chez les Alouettes. Bye bye.